Voilà ce qui se passe quand on surveille pas le timer. On oublie que c'est la fin du morceau. Puis en plus, on était en pleine discussion avec Émile en off. Oui, parce que voilà, on est avec Émile toujours qui représente Riposte Asso et qui nous parle ce soir du Ripfest qui aura lieu. C'est vrai qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais je crois pas qu'on ait dit que c'était le week-end. Si, t'as dit tout à l'heure, il reste 5 jours parce que ça commence le week-end prochain. Dès vendredi, on a bien noté, hein, 17h30 ouverture du site, 18h30 première note dans la salle. Une scène dans une belle et grande salle. On parlait de la bouffe, de la boisson, des différents horaires, et on s'est arrêté pour balancer de la musique au moment de parler du merch. Parce que bien sûr, les groupes, j'allais dire pour gagner leur vie, non, parce que la plupart n'en vivent pas, pour se faire rentrer de la maille, il y a ce qu'ils demandent à leurs gars, et il y a ce qu'ils peuvent solliciter auprès du public, par la vente, bien sûr, de CD, vinyle, t-shirts et autres strings et chaussettes. Alors, nous, cette année, on est parti sur deux t-shirts. C'est vrai qu'on sait que les temps sont durs pour tout le monde, mais on continue, nous, à travailler avec nos partenaires de Useless Pride. Et donc, on est parti sur deux t-shirts. Donc, un t-shirt, tout simplement, à l'effigie du festival, comme on fait chaque année. Qui reprend l'affiche. Voilà. Très bien. Et un t-shirt édition spéciale qu'on peut acheter principalement et jusqu'au vendredi, essentiellement, avec l'achat d'un pass de jour. Voilà, pour toutes les personnes qui m'ont demandé, est-ce qu'il serait possible de l'acheter en dehors de vendredi, je dirais, si il reste des t-shirts, oui. À ce jour, on a quasiment la moitié des passes de jour spéciaux vendus avec ce t-shirt qui sont partis. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera vendredi prochain, mais voilà. Donc, on est parti sur deux choses de cet ordre-là, sachant que le visuel du t-shirt spécial a été réalisé par un des tatoueurs de chez Street Art Family. C'est une collaboration et on en est très content. Voilà, pour faire court. Sinon, on propose rien de plus, si ce n'est que tous les petits goodies qu'on propose d'ordinaire, badge, décapsuleur, miroir de poche, ce genre de choses. Après, on laisse le soin, je dirais, aux différents exposants et différents groupes de faire leur business, quoi. Du coup, il y a le merch des groupes. En 2019, ils étaient au fond de la salle. 2022, même configuration, ou il y a autre chose de prévu ? Ah, alors c'est une bonne question. Il faut savoir qu'on aura un espace exposant cette année. C'était donc ma question l'espace suivante. Exposant sera installé, sera même juxtaposé à l'espace extérieur, fumeur et consommateur. Donc voilà. Et les groupes seront toujours à l'intérieur du festival, tout la, simplement la dans la salle. Okay. L'idée étant de permettre aussi au groupe de profiter des autres groupes, même si on sait que c'est pas toujours simple de gérer son propre merch. Là, pour le coup, c'est plus simple de joindre l'utile et l'agréable. Ok, très bien. Donc voilà pour les infos bonus. Qu'est-ce qu'on peut toutes les commodités, praticité. Donc Notre-Dame-d'Ouest, ligne de bus. De toute façon, tout ce que là on aborde là depuis tout à l'heure. Si jamais vous avez raté une étape, 90% des infos sont sur l'événement Facebook. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Je sais qu'il y a une très belle piste cyclable qui part de Tournord qui va jusqu'aux abords de la salle. Il y a Merci de le rappeler d'ailleurs parce qu'on a un partenariat. Ouais, oui, j'ai vu passer ça tout à l'heure. Voilà, toute personne qui se présentera munie de son cycle. Alors ça compte pas si vous le foutez dans le coffre, hein. J'hésitais à le faire. Sacrément tordu quand même. Je vais le faire. Mais disons que toute personne qui se présentera munie de son cycle sur le festival, que ça soit le vendredi ou le samedi, se verra remettre en fait une affiche gratuitement ainsi qu'un bon pour une visite de notre partenaire en fait de la brasserie du Cyclope. Voilà, c'est un geste sympathique de notre partenaire et puis c'est voilà essayer de joindre l'utile et l'agréable. Voilà, encore une nouvelle initiative. Le tram passe sur Tournord. Bon, après, ça fait quoi ? T'as 20 bonnes minutes de marche entre la zone de Tournord et l'entrée de la salle. En bus, on prend la ligne 56. Sinon, vous avez le bus qui vous dépose devant. Voilà, juste devant. Pour le retour, nous mettons encore cette année en place une navette. Alors, avec un nombre de places ultra limité, hein, on va pas se mentir. À savoir, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on fera 3 à 4 allers-retours, donc c'est à peu près 7x3, voire 7x4, 28 personnes qui pourraient être concernées par cela. Mais bon, c'est histoire que personne ne soit lésé. Voilà, moyennant 1 € de participation symbolique et une inscription en arrivant à la salle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il faut réserver le jour même, en avance, au dernier moment ? Donc voilà, quand vous êtes sur site. Pour venir ou pour repartir, ou les deux ? Alors non, c'est juste pour repartir. Voilà, pour venir, on pense que les bus de fil bleu font largement le travail. Et pour le retour, c'est un dépôt au niveau de la tranchée, comme on fait d'ordinaire. Voilà, ça et permet... vu l'heure, vous avez peut-être encore un tram, un bus, ou de toute façon, on se fait un croche-pied en haut de la tranchée et on roule jusqu'en bas. Exactement. C'est très simple. Et sinon, bien sûr, covoiturez-vous les uns les autres. Oui. Y a un grand parking en bordure de salle. Niveau... camping, gros guillemets, parce que de mémoire 2019, il y avait une tolérance. Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'aménagement, mais il y a une tolérance pour dormir sur place. Exactement. C'est-à-dire que les personnes qui veulent dormir dans leur voiture ou, entre guillemets, sortir une tente et la poser à côté de leur voiture pour la nuit et la ranger le lendemain matin, ni vu ni connu, ça sera bien sûr toléré. Mais bien sûr, sans aucune, sans aucun gardiennage, j'ai envie de dire. Voilà. Et, ayez à l'esprit si vous nous écoutez, savoir. Que vous venez le week-end prochain, que vous avez prévu de camper. Tout simplement, l'organe ne peut pas structurer un truc comme ça parce que c'est les autorisations qui en découlent derrière qui sont hyper complexes à obtenir. Et donc voilà, après, un véhicule avec un matelas dedans, il y a de quoi se débarbouiller dans la salle le lendemain... ça se fait très bien. Et puis sinon, voilà, covoiturez-vous les uns les autres, hébergez-vous les uns les autres aussi, hein, c'est tout à fait envisageable. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Tu parlais de la billetterie. Donc les tarifs pré-vente sont clôturés depuis le 25 juin. Oui. Mais les pré-ventes sont encore accessibles à plein tarif. Toujours chez Street Art et au Buck. Oui. Voilà, et en ligne, bien évidemment. Et puis, il y aura de la billetterie sur place, à l'entrée de la salle. C'est ça, tout à fait. Bon, en fait, c'est pas tout à fait à plein tarif, hein, en ligne et même au Buck ou à Street Art. On arrondit aux euros inférieurs, voilà, tout simplement. L'idée étant de pouvoir arranger le plus de monde possible. Et puis rappelez-vous qu'une prévente, même si oui, c'est chiant en ces temps actuels, parce qu'on a toujours le stress d'avoir un groupe qui saute, un fest qui annule, machin, mais la prévente, c'est une sécurisation énorme pour une orga. Donc c'est pas juste « ouais, je viens », et puis en fait, bah non, parce que bah, c'est de l'argent sur laquelle l'orga misait. Et quand c'est temps difficile, et ben, le moindre euro compte. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé jeudi soir pour Catharsis, hein, une centaine de personnes. L'asso savait qu'elle allait prendre un four. Cependant, ils étaient contents d'avoir une centaine de personnes qui avaient fait le déplacement pour voir Enforced au Red Club à Rochecorbon. Ça a permis de sauver les meubles. Donc voilà, ne faites pas ça chez vous au Ripfest. Venez, nombreuses et nombreux, organisez-vous les uns les autres. Et puis, soyez présentes, quoi. C'est important. C'est ça. Après, on ne force personne hein, à venir. Dites-vous que si à un moment donné, vous voulez avoir des événements attractifs, si à ce jour, on peut... vous proposer Integrity en date exclusive nationale, entendez-le bien, c'est parce que ça fait 5 années que vous nous avez fait confiance par le passé. Voilà, tout simplement. Donc moi, je me mettrai le couteau sous la gorge de personne pour prendre des préventes. C'est un choix qui appartient à tout le monde. Moi-même, je suis mal placé pour vous faire la morale dessus. Il m'arrive de ne prendre ma prévente que 2 jours avant. Voilà. Mais en tout cas, dites-vous bien qu'on a de la chance d'accueillir Nostromo qui n'a pas joué à Tours depuis je ne sais pas combien d'années, parce que pour moi la dernière fois qu'ils ont joué dans le coin c'était à Blois pour une précédente édition de l'Outbreak, et ça commence à remonter cette histoire là 2014 si je ne m'abuse, et sinon c'était Le Mans au plus près. Et donc et Integrity, bah, c'est une première tout court. No Turning Back, ça fait 10 ans je crois ça qu'ils devait n'ont être pas un joué. Dernier Free Edge Fest ou une connerie comme non, ça c'était, non c'était au c'était à l'Hurricane. Ok. Oui. Ouf. Oui. Bah là, c'est les voir dans bien plus belles conditions déjà. Ouais. Voilà. Et puis tout un tas de groupes qui n'ont jamais joué ici, que vous n'aurez certainement pas la possibilité de voir dans des conditions, je dirais, aussi proches. Confortables. À moins que vous préfériez continuer à aller voir des groupes derrière des crash barrières, parce que c'est ça aussi le Ripfest qu'on véhicule, c'est la proximité entre le groupe et le public. Voilà. Après, chacun ses goûts, mais dites-vous une chose, c'est que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. On vous remercie et on espère que cette belle aventure pourra continuer. Voilà, tout simplement. Parce... Oui. Non, mais... Oui, j'ai coupé en pleine respiration. Donc on va s'écouter deux avant-derniers groupes. Et puis après, on se dira le petit mot de la fin. On se quittera avec un tout dernier titre. Donc, deux des headliners. Parce que. Nostromo, à mon goût, c'était mieux avant. J'avoue que leur future prochaine sortie a l'air d'être vraiment cool. Le Bucéphale en devenir, voilà, parce que c'était un peu boring à mon goût ces derniers temps, Nostromo. Donc par choix musical, on va plutôt s'envoyer un No Turning Back, qui pour le coup j'ai streamé leur live au Hellfest, c'était putain de patate, avec le morceau Betrayed, et juste après les vétérans de Integrity avec le titre No Time for Sudden Glances. No Turning Back, Integrity, c'est parti, et week-end prochain, RIP. Voilà, j'avais pris des morceaux courts pour la diff parce que je savais pas trop où est-ce que la discussion avec Emile nous emmènerait. On arrive à la fin de cette de cet entretien avec Émile de Riposte Asso et donc cette généreuse présentation du Ripfest qui aura lieu le week-end prochain, vendredi samedi, à la salle Oesia de Notre-Dame-d'Oé. C'est pas cher, c'est pas loin, ça va être trop bien. Tout le confort est prévu, c'est dans une salle. Du coup, s'il fait chaud dehors, il fera chaud dedans aussi d'ailleurs, mais différemment, voili volou. J'ai fait le tour de mes questions, des chiantes et des pas chiantes. On a fait le tour globalement des infos, donc à toi après la clôture pour les dernières précisions, les ci, les ça et les autres choses. Ben, disons qu'on a un petit peu brassé un certain nombre de choses. Je vois pas grand chose à rajouter, si ce n'est que quand même je tiens à remercier un certain nombre de festivals qui ont répondu présent à notre appel du pied pour pouvoir ni plus ni moins que fédérer un petit peu cette scène metal hardcore qui est compliquée, je dirais, à gérer. Et puis aussi tout un certain nombre de webzines, pas locaux de fait, mais qui soutiennent, je dirais, le maintien du festival. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'on s'est quand même posé pas mal de questions. Et pendant un temps, on a vu beaucoup de festivals tirer le rideau par faute de prévente. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Nous, on a fait le pari et on continue à le faire aujourd'hui, le pari que ça va marcher parce qu'on croit en vous. Et puis surtout, on a une équipe de bénévoles remontée comme jamais qui a traversé, tout comme vous, 2 années et demie de rien du tout. Eh bien, écoutez, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais j'ai envie de dire, par défaut, saisissez-vous d'aujourd'hui, tout simplement, pour pouvoir peut-être nous permettre de construire de meilleurs lendemains. Voilà. Le festival, c'est le Ripfest, c'est un festival, comme je disais ici même, entre midi et deux, lors d'une précédente émission. C'est un festival qui rassemble près de 3 générations. Et contrairement à ce que peuvent penser tout un tas de personnes, ça dépasse bien plus que, je dirais, tout simplement, les amateurs du genre. Dites-vous que si vous y venez avec un regard d'enfant et avec les oreilles d'un enfant, eh bien, tout simplement, y a sérieusement moyen de vous faire surprendre par ce festival. Voilà. Ou par une semelle en pleine gueule. Oui. Accessoirement. Oui, bon, disons tenez que vos enfants loin de la scène, cependant. Disons que je pense qu'il faut être comme relativement prudent aussi, comme peut l'être un enfant bien entouré, voilà. Mais voilà, c'est un festival où on n'a jamais eu d'accident, et puis c'est un festival aussi où vous avez la possibilité, dans cette magnifique salle qui est Oesia, de prendre vos distances avec les personnes qui, elles, remuent davantage, voilà. Et en tout cas, c'est aussi une manière pour moi de rappeler que l'entrée est gratuite pour tous les mineurs de 12 ans et moins, et que l'entrée est à demi-tarif pour tous les mineurs âgés entre 12 et 16 ans. Voilà. Ça se veut familial, tout ça. On essaye, puisqu'à un moment donné, on en a déjà parlé plusieurs fois en off, mais voilà, ce qui est très important, c'est aussi de transmettre. Et cette musique-là, je ne sais pas ce qu'elle sera dans 10 ans, je ne sais pas ce qu'elle sera dans 20 ans, mais en tout cas, j'apprécierais qu'elle puisse continuer à être écoutée et transmise par les générations futures. Voilà, donc c'est un peu d'ailleurs ce qui se retrouve sur l'affiche avec les vétérans de Nostromo Integrity et les jeunes lions qui accusent à peine 10 années d'existence, tels que Gérard Billon, non, vous avez dépassé les 10 ans d'existence maintenant, depuis peu, les AO et autres Who I Am. Et puis les groupes internationaux qui sont un peu plus récents. Merci d'avoir fait le déplacement pour nous en dire un peu plus sur cette 6e édition en devenir. Répondez présent, soyez là le week-end prochain à Oesia, ça va être cool comme jamais. On va se quitter avec un dernier titre, voilà, juste pour clôturer cette séquence d'une heure consacrée au Ripfest. J'étais fort triste de l'annonce de l'annulation de Leipzig. J'étais fort content de voir que c'était Stab parmi les plus solides du Hardcore 8000 belge qui assurait le remplacement au pied levé. Et on va donc fermer cette interview avec toi, Emile, avec le titre Soul of Lion, parce que c'est un petit peu ce qui anime l'équipe de Ripost pour la bonne tenue de cette 6e édition du Ripfest. Stab, Soul of Lion, et on les voit sur scène vendredi prochain. Merci, ciao, ciao. Ciao. Et voilà, on vient de clôturer cette présentation d'une heure autour du Ripfest qui aura lieu le week-end prochain. On va donc attaquer tout de suite l'aspect française avec Svartkrone qui sort presque posthume un nouvel EP intitulé Les Terres Brûlées, puisqu'ils ont annoncé un peu sèchement la semaine dernière que leur concert d'adieu aurait lieu au Hellfest. Donc voilà, Svartkrone, gros split-up à l'usure et en même temps, parce que de leur point de vue, du point de vue JB, la boucle était bouclée. Digitalis Purpura, c'est le titre de l'EP Les Terres Brûlées qu'on va laisser écouter. Un dernier EP qui a vu le jour chez les Acteurs de l'Ombre. Et une excellente sortie signée une fois de plus Dolorem Record, Myth Giving. Ce groupe old school de death violent. Alors oui, le death metal c'est violent, mais là il y a vraiment de la violence méchante dans la musique de Myth Giving. On retrouve deux membres de Impureza d'ailleurs, à savoir le chanteur et le batteur. Et un membre de Ritualization à la guitare, si je ne m'abuse. Donc voilà, Myth Giving, ça a vu le jour au début des années 90. Et puis là, ils sortent seulement leur premier véritable album. Un album intitulé Myth Givings. Et on s'écoutera le titre The Age of Christic Sorrow. Svartkrone Myth Givings, dans l'aspect français, qu'on attaque tout de suite. 21h, bientôt 45 à la pendule de Radio Béton. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger. On est ensemble pour encore 35-40 minutes. Et du coup, je vais faire un autofocus en coupant un peu l'herbe sous le pied de mon acolyte Thibaut, qui devait ce soir vous présenter un focus autour du groupe nantais FT17. Le groupe de Black Death plus, qui a pour thème la Première Guerre mondiale, vécue par un personnage fictif qui s'appelle Marcelin Trouvé. Ils sortent là donc leur troisième album studio intitulé N1914, alors que l'on peut bien sûr lire comme N la haine, mais là il s'agit de du département de l'Aisne, A-I-S-N-E, qui en septembre 1914 a essuyé de violents combats. Ça a été l'avant Verdun, l'avant Marne, l'avant la Somme même. Et c'est donc tout de suite le premier petit bémol que je mettrais sur cet album, c'est qu'en termes de chronologie, le groupe m'a complètement perdu, parce qu'en 2016, il sortait le très très bon Marcelin s'en va en guerre. Le groupe débutait, c'était pas maladroitement en place, mais voilà, c'est le premier album. Personnellement, moi, ça m'a séduit. L'album est hyper froid, hyper cru, et en même temps très très riche en termes de mélodie. Et le chanteur Tom, du coup, qui est sur les parties screamées, je le trouve vraiment excellent. Et la partie narrative, c'est pareil, poser des ambiances vraiment terribles et extrêmement riches. Le second album, Verdun, nous envoyait directement en 1916. Donc l'album était sorti en 2018. Un album vraiment axé sur la bataille de Verdun. Autant le premier album, c'était le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la mobilisation. Donc ce fameux Marcelin Trouvé qui, d'un jour instituteur de classe en élémentaire, se retrouve propulsé en tant que fonctionnaire, officier dans l'armée. Alors là, il n'a pas du tout les prédispositions pour ça. Donc voilà, il raconte son quotidien. Il y a un moment où, du coup, il y a tout un passage narratif sur la manière dont il vit dans les tranchées, les écrits qu'il adresse à l'arrière du front, ses blessures, etc. Et là, N1914 nous renvoie, du coup, dans la chronologie, juste après le premier album. Donc voilà, musicalement, le second album, c'est pareil, pour moi c'était une claque. Il est sombre, il est sale, vraiment on est dans les tranchées avec les troupes. C'est un excellent album. Et là, ce troisième effort studio est pour moi beaucoup plus abouti musicalement. On a des leads et même des solos hyper heavy sur les titres. À la première écoute, j'étais là, je me suis dit, merde, putain, le concept s'essouffle un petit peu. On est revenu au tout début de la guerre, machin. Et en fait, non, les perceptions sont totalement différentes. Et de la même manière que la bataille de Verdun était racontée dans le second album, là, c'est les combats sur l'Aisne en 1914 qui sont racontés. Et c'est vu de manière totalement différente. Je trouve ça, l'album encore plus viscéral. Le travail de la batterie, putain, j'en ai déjà parlé, il est absolument incroyable sur certains titres. Enfin, les chocs sur les cymbales se mêlent au bruit de la mitraille. Sur le morceau Les baïonnettes de Corbeny, c'est les tomes qui martèlent. Enfin, ça se mêle au son des tirs d'artillerie. Enfin voilà, le titre à couteau tiré, enfin, on a vraiment l'impression d'être en première ligne avec ses poilus. Et c'est un putain d'album. Le titre de clôture, la citation, c'est pareil, enfin, il dresse le poil, il est hyper émouvant. Un total de plus de 45 minutes qui passe à une vitesse folle, et je me rends compte que je suis de plus en plus friand de ce black metal français froid et historique, comme j'ai pu être il y a longtemps très séduit par les albums de Anorexia Nervosa, même si beaucoup plus symphonique. Voilà, les textes chantés en français, comme je suis depuis de bien nombreuses années un fan de Misanthrope. Et plus récemment, l'année dernière, une de mes meilleures sorties françaises, ça a été le Pedrets, qui raconte le génocide vendéen. J'ai bien sûr été très séduit par le heavy de Tentation, mais c'est vraiment dans le black metal, un peu death, un peu mélodique, que je retrouve toute ma passion pour l'histoire. Et FT17, ça résonne toujours en moi avec une grande passion. C'est très intéressant le titre choisi par Thibaut pour ce soir. Du coup, on va honorer sa commande. Hein. C'était le premier morceau mis à disposition par FT17, le Saillant Assailli, qui pour moi n'est pas le titre le moins intéressant de l'album, mais le plus anecdotique. Voilà, ça raconte comment est-ce que un tronçon de tranchée, hein, les saillants, les boyaux, etc., se retrouvent sous le feu ennemi. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un titre passerelle entre les baïonnettes de Corbeny et les illusions perdues, un titre de transition intéressant, mais en termes de sensibilité, c'est celui que j'ai le moins retenu. Donc, dans les jours à venir, vous aurez un spotlight écrit par Thibaut qui donnera du coup son propre avis, son propre ressenti sur la musique de FT17. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai déjà rédigé moi-même un spotlight de FT17. Donc voilà, une espèce de double chronique croisée avec deux ressentis, deux points de vue différents sur FT17, mais qui se rejoignent pour dire que c'est un excellent album. Il est depuis peu disponible sur un tout nouveau label français, un label nantais, L'Ordalie Noire. Si vous voulez vous procurer, et je vous invite vraiment à le faire, faut que je le fasse, ça fait des mois que je traîne sur le sujet, les deux premiers albums de FT17, ils sont disponibles en CD via le Bandcamp du groupe, et ce nouvel et troisième effort studio est disponible sur le Bandcamp du groupe, ou auprès de L'Ordalie Noire, en CD ou en vinyle. Et FT17, putain, il faut vraiment que le groupe ressorte les deux premiers albums en vinyle, parce qu'avec ce son très... très froid en vinyle, ce serait la quintessence de l'écoute, ces albums de FT17. Voilà, beaucoup de choses très positives en termes de ressenti sur FT17. J'ai peur de les voir en live parce que je crains que l'alchimie n'opère pas de la même manière. Après, c'est pas un groupe qui est évident à accueillir sur scène puisqu'ils sont très nombreux. Mais voilà, j'aimerais les voir ici ou par chez nous ou même en terre nantaise. À l'occasion. FT17, le Saillant Assailli, pour illustrer mon focus monologue de ce nouvel album studio N1914. Et du coup, ce focus, je le dédicace bien sûr à mon ami Thibaut qui est écroulé dans son canapé et covidé. Bon courage et à très bientôt. C'est parti, FT17. Thank you. pointe est en l'air. On évacue. Ordre de repli sur la ville au bois. Voilà donc le titre d'illustration de ce focus de FT17. On enchaîne. Tout à l'heure, on s'est écouté un Misgiving voilà, avec des vétérans de la scène. On passe maintenant à Miasme, c'est pareil, des vétérans de la scène Black, puisqu'on retrouve des membres de ex Como Muertos. Tiens, ça gravite pas très loin de Impureza, ça. On retrouve également un ex Ritualization, ah bah tiens, et surtout Antaeus, etc. Miasme, donc c'est du Black français, tout ce qu'il y a de plus Black français, c'est primitif, c'est violent. J'en veux pour preuve le titre de cette EP, hein, sobrement intitulé Vermine. C'est violent, c'est froid, c'est très bien. Une sortie Les Acteurs de l'Ombre, c'est un peu classe au passage. Et en doublette avec Miasme, on sort de l'aspect française avec Bloodhunter, une formation madrilène qui nous vient donc d'Espagne, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la géographie. Du coup nous propose du moderne Melodes avec la nouvelle voix de Nervosa, à savoir Diva Satanica, voilà pour la partie chant. Donc elle était dans Bloodhunter et elle a rejoint récemment Nervosa, hein, que vous voyez un peu dans quel ordre ça se situe. Knowledge Was the Price, donc c'est forcément de grosses inspirations Arc Enemy, période Angela Gossow. Sharpened Tongues Spitting Venom Inside, c'est le nom du titre qu'on va s'écouter tout de suite. Album Knowledge Was the Price, et juste avant ça Miasme avec le titre Désolation. C'est parti. Et voilà, 22h05 à la pendule de Radio Béton. On va clôturer un petit peu plus tôt que prévu, mais c'est parce qu'on tient très très bien les timings. On va se quitter avec une dernière doublette. Sassifine, tout d'abord. Sassifine, au passage, l'ami VL devrait nous gratifier d'un petit focus, d'un petit spotlight à défaut d'un focus dans les jours à venir. Le groupe nous vient de Lituanie, de Vilnius plus précisément. Ils sortent là leur second effort studio, Colors of Face. Une sortie déjà disponible. On s'écoutera le morceau Sovereigns of Livid Hope. Et on clôturera l'émission de ce soir avec les Belges de Human Barbecue, qui accueillent des membres de Putrefagy au passage. On est sur du pur Gore Slam, Brutal Death, Red Sun Rising. Tiens, tiens, tiens, ça me rappelle un titre d'album de Jigai, ça. Engage Drone Encultured, c'est le titre sur lequel on va se quitter. Une sortie Relative Head Records, le très très bon label ukrainien. Russe, pardon, spécialisé dans le Brutal Slam Death. Un russe qui a fait le choix de quitter son pays parce qu'il est bien sûr contre l'agression russe en Ukraine. On va se quitter sur cette petite doublette. Pour rappel, le week-end prochain, c'est le Ripfest. Venez-y nombreuses et nombreux. Toutes les infos sont disposées sur l'événement Facebook. Si vous n'êtes pas abonné à Riposte Asso, passez un coup sur le Facebook ou l'Instagram de l'émission. Tous les liens pratiques sont à disposition. Et pour rappel, c'était notre dernière émission de la saison 2021-2022. On va faire une petite pause estivale et se retrouver tout début septembre. Cependant, tous les dimanches soirs de juillet et d'août, vous pourrez nous retrouver dans le cadre d'une émission best-of que l'on fera tourner le dimanche sur les ondes du 93.6, toujours de 21 à 23. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Très bon été. Faites des festivals par ici et par là-bas. Et on se retrouve en septembre. Ciao, ciao.